transformer selon le modèle. Je rentre à pied. Ma moto est en panne. Comme ma moto est en panne, je rentre à pied. Les réunions sont annulées. Le directeur est en voyage. Comme le directeur est en voyage, les réunions sont annulées. Je reste à la maison. Il fait froid. Comme il fait froid, je reste à la maison. La route est barrée, il y a des travaux. Comme il y a des travaux, la route est barrée. Les enfants se lèvent tard, ils sont en vacances. Comme ils sont en vacances, les enfants se lèvent tard.